Deuxième chapitre. Le Narcisse, Portobello, les Indiens de San Blas, le golfe d'Urabá. J'avais formé le désir d'aller jusqu'à Panama pour voir l'isthme dans toute sa largeur et contempler les eaux de l'océan Pacifique. Mais j'aurais dû attendre pendant un jour et une nuit le départ d'un train. Et j'avoue que ce séjour dans un hôtel construit sur le bord d'un marécage me souriait fort peu. D'ailleurs, j'avais hâte d'arriver au pied de la Sierra Nevada, but principal de mon voyage, et je dis adieu à mes compagnons de traversée. Note 1. Réunis le lendemain, 17 août 1855, aux 900 passagers du steamer de New York, l'Illinois, ces voyageurs se doutaient peu qu'ils auraient à soutenir un siège en règle contre les habitants de Panama et que 17 d'entre eux seraient tués par le couteau. Un Américain ayant volé une pastèque tira un coup de revolver sur le Panaméño qui voulait la lui reprendre. Ce fut le signal du combat. Les Américains vaincus furent obligés de battre en retraite et ne furent sauvés que grâce à l'intervention de la police et de la force armée. Fin de la note 1. Le bateau à vapeur anglais qui fait le service régulier des côtes de la Nouvelle-Grenade, ne devant passer que dans une douzaine de jours, je m'empressai d'aller au port afin de m'enquérir d'une goélette en partance pour Carthagène. J'aperçus fort heureusement une petite coquille de noix qui levait l'ancre. Je n'eus que le temps d'envoyer chercher mes malles, de me jeter dans un esquif, de grimper à bord de la goélette qui déjà commençait à louvoyer en face d'Aspinwall. Je descendis dans la cale pour déposer mes effets entre deux sacs de cacao et quand je remontai l'échelle périlleuse, nous étions au milieu de la baie. Le Narcisse était une petite embarcation délabrée du port de 24 tonneaux et si mal aménagée que le seul espace libre où l'on put se promener n'avait pas plus de 2 mètres de long. De moment en moment, la crête des vagues nous cachait l'horizon, et l'on eût dit que dans le lointain, la ville jaillissait du sein de la mer et s'y abîmait tour à tour. À chaque nouvelle lame, notre mât de Beaupré plongeait en partie, et l'eau venait ruisseler jusqu'à l'arrière. L'espace resté sec était bien petit. Il fallait cependant s'en contenter, et je m'y installai de mon mieux, les pieds plantés en arc-boutant contre le rebord de l'ouverture de la cale, le dos appuyé sur le bordage, le bras passé autour d'un câble. J'essayai de faire corps, pour ainsi dire, avec l'embarcation, et de rester immobile comme une poutre amarrée sur le pont. Cette position me permettait de contempler à mon aise les vagues écumeuses, au milieu desquelles se jouaient des méduses transparentes et que fendaient les requins de leur nageoire dorsale, triangulaire et tranchante, comme un couteau de guillotine. L'équipage du Narcisse se composait de 4 hommes, le propriétaire, le capitaine, le matelot et le mousse. Le premier était un nègre herculéen, à la figure puissante et placide. Couché sur le pont, il regardait avec une satisfaction profonde la voile de son navire enflé par le vent, les sacs de cacao empilés dans sa cale et même l'humble passager étendu à ses côtés. Il jouissait voluptueusement du privilège de posséder et regarder avec tendresse les vagues sur lesquelles flottait sa goélette. Tout entier à son bonheur, rarement daignait-il s'occuper de la manœuvre et prêter main forte lorsqu'il s'agissait de aller sur une corde ou de virer de bord. Du reste, il était d'une douceur ineffable et désirait voir tous ses compagnons aussi heureux que lui-même. Si le capitaine n'eût pas commandé, si le matelot et le mousse se fussent croisés les bras, ils se seraient laissés paisiblement dériver sur un récif sans que la satisfaction peinte sur son visage en eût été troublée. Vrai type du nègre des Antilles, il se disait cosmopolite et flottait de vague en vague de terre en terre, comme un Alcyon. Il parlait également mal toutes les langues, tous les patois des peuples établis autour de la mer des Caraïbes et répondait indifféremment au nom de Don George, de John et de Jean-Jacques. Le capitaine, jeune, beau, actif mais bavard, impatient, colère, ne cachait guère le mépris qu'il avait pour son placide armateur. Cependant, il avait le bon sens de ne pas le brusquer. Fils d'un Français marié à Carthagène, Joseph Maria Mouton tenait sans doute de son père ses traits, ses manières et sa vivacité. Mais il avait pris les habitudes et les superstitions du pays et ne savait plus un mot de la langue de ses ancêtres. Ses yeux me suivaient avec une curiosité importune. Il prononçait chaque parole avec l'accent du défi et ne s'adoucissait un peu qu'en s'adressant au matelot. Celui-ci, toujours silencieux, devinant d'avance le moindre désir du capitaine, travaillant sans relâche au voile, au cordage, aux chaînes, me semblait un être indéfinissable. Non seulement il ne parlait guère, mais il ne regardait pas et marchait sans bruit, glissant comme une ombre de l'avant à l'arrière de la goélette. À quelle race appartenait-il? Était-il nègre, espagnol ou métis? Sa peau noire pouvait avoir été tannée par les pluies, les orages, les brouillards, les coups de soleil. Son œil avait pu se ternir au spectacle de ces milliers de flots qui se poursuivent sans fin à la surface des mers. J'eusse été médiocrement étonné d'apprendre qu'il était ce Hollandais volant qui depuis des siècles erre sur l'océan et parfois, quand la tempête se prépare, agite devant les navires ses grands bras chargés de brouillard. Quant au mousse, c'était simplement un gamin sale et paresseux comme un serpent. Il dormait toujours et le capitaine ne pouvait guère le réveiller qu'à coups de pied. Don George, dont les repas étaient nombreux et abondants, occupait le reste de ses loisirs à suivre du regard les lignes et les hameçons qu'il avait attachés au flanc du navire et qui bondissaient dans le sillage écumeux. Pendant la première journée, sa pêche fut particulièrement fructueuse. Il retira de l'eau force poissons, dont j'ai oublié les noms barbares, empruntés à une sorte de patois hispano-indien. Puis il parvint à hisser à bord une dorade et enfin un jeune requin long d'environ 2 mètres. Pour prendre ces animaux, les matelots taillent un morceau de toile blanche en forme de poisson volant et l'attachent à un hameçon qu'ils jettent dans le sillage. Ils se mettent ensuite à siffler, comme sifflent les bouviers quand ils mènent leur bétail à l'abreuvoir. L'honnête poisson, séduit par cet appel, se jette sur le morceau de toile blanche, avale l'hameçon, et ceux qui n'ont pas eu honte de tromper un requin le hissent à bord, l'assomment, le dépècent, puis savourant d'avance leur festin, font joyeusement rôtir les filets et les côtelettes. On assure que les naufragés de la Méduse aimèrent mieux s'entre-dévorer que de manger du requin. Cependant, j'osai m'attabler avec l'équipage et satisfaire mon appétit sur la chair du pauvre animal. Je la trouvais bonne, mais tout en la savourant, je ne pouvais me défendre d'un remords. De quoi me plaindrais-je si les amis du requin vengent un jour sur moi leur frère assassiné? Ainsi va le monde. Le soir venu, le capitaine, qui de la journée n'avait guère adressé la parole à Don George, se rapprocha de lui et, rendu confiant par la douce et mystérieuse influence de la nuit, condescendit à entrer en conversation. D'abord il parla d'affaires, puis de voyages, puis de fantômes, et bientôt nous l'entendîmes raconter une légende du temps de l'Inquisition, pleine de détails horribles. C'était une âme chargée de crimes oscillant sur la bouche de l'enfer, en la boca dell'inferno, et disputée par les anges et les démons. À la fin, ceux-ci l'emportaient, et l'âme désespérée plongée dans les flammes grondantes de l'abîme. C'était la millième fois, peut-être, que le capitaine récitait cette légende. Mais ces paroles qu'il n'avait pas besoin de chercher se déroulaient en phrases d'autant plus précises et sonores, et il déployait une certaine éloquence sauvage dans la peinture des tourments infernaux. Don George, heureux de ce récit qui stimulait sa digestion, jouissait visiblement de sa propre peur, tandis que le mousse, appuyé sur ses coudes et couché à plat ventre au milieu du pont, fixait ses yeux ardents sur le capitaine et sentait son âme lui échapper d'effroi. Quant au matelot, toujours solitaire, il se tenait debout à l'avant du Narcisse et sa haute stature, à demi entrevue à travers les agrès, se dessinait comme un noir fantôme sur la mer phosphorescente. Une forte pluie mit fin à notre séance et capitaine, armateur, mousse, passager, nous nous hâtâmes de descendre dans la cale et de nous jeter sur les sacs de cacao qui devaient nous servir de lit. Mes compagnons, accoutumés à ce genre de couches, s'endormirent bientôt profondément. Mais il me fut impossible de les imiter. Les gousses de cacao, dures comme de petits galets, m'entraient dans la chair. D'affreux cancrelats, les plus gros que j'ai vus de ma vie, me mordillaient les bras et les jambes et se promenaient sur ma figure. L'air renfermé de la cale et surtout l'odeur pénétrante du cacao me suffoquait. À chaque instant, je gravissais l'échelle pour aspirer une bouffée d'air pur à l'ouverture de la cale. Mais la pluie incessante me forçait à redescendre dans l'antre malsain où mes compagnons faisaient des rêves d'or. Vers le matin seulement, vaincu par la fatigue, je m'endormis d'un sommeil fiévreux et agité. Quand je me réveillai, le Narcisse doublait un des promontoires boisés qui garde l'entrée de Porto Bello, l'ancienne porte d'or des Espagnols, où les galions venaient charger les trésors du Pérou. La pluie avait cessé. Une légère vapeur flottait encore sur les monts. Des fusées d'écume blanche jaillissaient sur les contours du rivage. Certes, la mer et les montagnes, éclairées par le soleil levant, offraient un spectacle admirable. Mais je les voyais à peine. Je ne pouvais détacher mes regards des grandes forêts tropicales qui m'apparaissaient pour la première fois dans toute leur magnificence. J'ignorais même si réellement j'avais des forêts devant moi, car je n'en distinguais pas les arbres et pendant longtemps je crus être devant un gigantesque rocher couvert de mousse et de fougères. Dans la zone torride, l'arbre n'existe pour ainsi dire pas. Il a perdu son individualité dans la vie de l'ensemble. Il est un simple molécule dans la grande masse de végétation dont il fait partie. Un chêne de France étalant ses vastes rameaux à l'écorce rugueuse, plongeant ses énormes racines dans le sol lézardé, jonchant la terre d'innombrables feuilles sèches, semble toujours indépendant et libre, même quand il est entouré d'autres chênes comme lui. Mais les plus beaux arbres d'une forêt vierge de l'Amérique du Sud n'apparaissent pas isolés, tordus les uns autour des autres, noués dans tous les sens par des cordages de lianes, à demi cachés par les plantes parasites qui les étreignent et qui boivent leur sève. Ils semblent ne pas avoir d'existence propre. Les influences des climats sont les mêmes pour les peuples et pour la végétation. C'est dans les zones tempérées surtout qu'on voit l'individu jaillir de la tribu, l'arbre s'isoler de la forêt. Peu à peu, nous approchions de l'étroit goulet, du port, et la scène devenait de plus en plus splendide. Deux collines, portant chacune des ruines d'un vieux château, se dressent vis-à-vis l'une de l'autre. À la base de ces hauteurs, des cocotiers s'inclinent vers la surface de la mer. Des oiseaux pêcheurs se tiennent graves et immobiles sur les rochers épars. Du sommet jusqu'au pied des collines, ce n'est qu'un tumulte, un océan de feuillage. Sous cette masse qui se penche et se redresse au vent, c'est à peine si l'on peut se figurer le sol qui la supporte. On pourrait facilement croire que la forêt tout entière a sa racine dans la mer et flotte sur les eaux comme une énorme plante pyramidale, haute de 200 mètres. Toutes les branches sont reliées les unes aux autres, et le moindre frémissement se propage de feuille à feuille à travers l'immensité verdoyante. Cependant, les collines sont très escarpées, et pour rattacher les arbres l'un à l'autre, de grandes masses de branches, de lianes et de fleurs s'épanchent de cime en cime, semblables aux nappes d'une cataracte. C'est un Niagara de verdure. Enfin, le Narcisse jeta l'ancre presque à l'ombre de la mystérieuse forêt. Le canot fut abaissé et le matelot, prenant silencieusement les deux rames, nous fit signe d'y sauter. Nous allions faire une courte halte à terre. Mon émotion déjà si forte s'accrut encore lorsque l'esquif se fut arrêté et que j'eus bondi de pierre en pierre jusque sur la plage, toute bariolée de coquilles jaunes et rouges. En quelques secondes, j'atteignis l'embouchure d'un petit ruisseau qui descend en cascatelle des profondeurs de la forêt. Et remontant ce chemin frayé par les eaux, je m'enfonçai dans la trouée obscure qui se prolongeait devant moi. Il est impossible de ne pas ressentir une étrange commotion physique quand on laisse derrière soi l'atmosphère chaude et lumineuse pour pénétrer sous l'ombre moite, humide, solennelle d'une forêt vierge. À quelques pas de la mer, je pouvais me croire à 100 lieues dans l'intérieur du continent. Partout un fouillis inextricable de branches, partout de mystérieuses profondeurs où le regard osait à peine s'aventurer. Autour de moi, des rochers dont les parois disparaissaient sous des feuilles entrelacées. Sur ma tête, un dôme de verdure à travers lequel pénétrait un vague demi-jour répercuté de branche en branche. Quelle différence entre ces forêts tropicales et nos forêts calmes et symétriques, nos bois taillis surtout, où chaque arbre meurtri par la cognée est noué comme un infirme et tord en angoisse ses bras grêles et disgracieux. Dans les pays aimés du soleil, les arbres géants que la terre nourrit roulent sous leur écorce une sève bien autrement impétueuse, et l'on dirait que d'eux-mêmes, le sol, l'eau et le roc se dissolvent pour entrer plus rapidement dans le circuit de la vie végétale. Les cimes sont plus hautes et plus touffues, la couleur des feuilles et des fleurs est plus variée, les parfums sont plus âcres et plus violent, le mystère de la forêt est plus redoutable. Et ce n'est pas le repos, c'est l'effroi qu'on respire sous ces ténébreux ombrages. J'avançais avec précaution, d'un pas religieux et presque tremblant. Des lézards, d'autres reptiles entrevus sur le bord du ruisseau, disparaissaient dans le fourré, avec un grand bruissement de feuilles. Devant moi s'épaississait l'ombre. Je m'arrêtai donc, et m'assis sur le bord d'un rocher dans lequel l'eau avait creusé une vasque toujours remplie d'écume et de murmures. En me retournant, je voyais à l'extrémité de la trouée obscure par laquelle j'avais pénétré dans la forêt le fond d'une petite anse où des flots bleus aux franges argentées venaient mourir sur le sable éblouissant de blancheur. Je restai de longues heures sur ce rocher, pendant que Don George faisait sa sieste sur la plage à l'ombre d'un caracolis aux vastes branches étendues. Note 1. Anacardium caracolis, arbre magnifique ayant le port de nos châtaigniers. Ma seconde visite fut pour la ville de Portobello, où le capitaine Mouton, revêtu de ses habits de fête, voulait, disait-il, acheter quelques sacs de cacao. En réalité, il allait tout simplement compter fleurette à une señorita. Quant à moi, je me hâtais de parcourir les rues de Portobello pour y découvrir les traces de la splendeur d'autrefois. Elles se réduisent à bien peu de choses, de misérables huttes couvertes de roseaux ou de feuilles de palmier remplacent les vastes constructions des Espagnols. Ça et là s'élèvent quelques pans de murailles habités par les serpents et les lézards. Les arbres ont introduit leurs racines dans les bastions de la forteresse qui dominait la ville. Et bientôt, il n'en restera plus pierre sur pierre. La population, composée de nègres et de métis au nombre d'environ 800 ou 900, est affreuse de haillons et de saletés et promène orgueilleusement son indolence le long de la plage. Les femmes seules travaillent. Elles pilent le maïs ou rôtissent les bananes pour les repas de leurs seigneurs et maîtres, remplissent les sacs de cacao, portent sur leur tête de lourdes cruches pleines d'eau puisées à une fontaine éloignée. Au lieu de la flottille de galions qui s'assemblait autrefois dans le port, protégée par le canon des forteresses, trois ou quatre goélettes armées par un négociant de la Jamaïque, le juif Abraham, se balancent paresseusement sur leurs ancres, non loin de petits entrepôts appartenant au même propriétaire. Tous les 15 jours, le bateau à vapeur anglais qui fait le service de Saint-Thomas à Aspinwall entre dans le port, non pour y prendre ou déposer des passagers, mais uniquement pour y renouveler sa provision d'eau. Avant la construction du chemin de fer de l'Isthme, un premier tracé désignait Portobello comme point de départ de la ligne ferrée. Le commerce y aurait trouvé l'avantage inappréciable d'un excellent port, et les ingénieurs n'auraient eu qu'à suivre l'ancienne route des Espagnols, aujourd'hui simple sentier obstrué par les hautes herbes. Toutefois, l'insalubrité de Portobello, plus effrayante encore que celle d'Aspinwall, modifia les plans de la compagnie. En effet, à l'est de la ville s'étendent de vastes marécages où l'eau douce et l'eau salée apportent avec le flux et le reflux des plantes en décomposition. Des forêts de palétuviers croissent dans le sol mouvant à quelques pas des huttes et les collines qui se dressent à l'entrée du port empêchent les vents alisés de renouveler l'air corrompu qui pèse sur la ville. Des nuages se forment continuellement au-dessus de ce bassin fermé, visité rarement par les brises, et retombe en pluie journalière. On peut dire que le bassin de Portobello est un cratère toujours fumant de vapeur et de miasme. Le capitaine n'eut terminé qu'à la chute du crépuscule l'emplette importante de trois sacs de cacao, et les étoiles brillaient déjà dans le ciel quand notre canot vint toucher les flancs de la goélette. Me berçant de l'espoir d'un agréable sommeil qui pourrait compenser l'insomnie de la nuit précédente, je me hâtai de m'envelopper dans une voile étendue sur le pont. À peine avais-je fermé les yeux qu'une forte averse me fit chercher un refuge dans la cale. Dès que le nuage qui nous avait donné cette ondée eut disparu, je sortis de nouveau de mon antre pour me tapir dans un pli de la voile. Mais un autre nuage vint bientôt se fondre en eau sur ma tête. Je reconnus qu'il fallait se résigner cette fois encore aux tourments d'une insomnie. Je passai la nuit entière, tantôt chassé du pont par des averses successives et forcé de descendre dans la cale aux odeurs repoussantes, tantôt remontant sur le gaillard humide de pluie et saisissant au vol, pour ainsi dire, quelques instants d'un sommeil fugitif. Les voix étranges qui sortaient des forêts voisines, surtout les aboiements d'une grenouille qui, à elle seule, faisait plus de bruit qu'un chien de ferme, contribuèrent singulièrement à me rendre le repos difficile. Dès le point du jour, le capitaine fit lever l'ancre et larguer les voiles du Narcisse. Celui-ci, très mauvais marcheur, ne se hâta guère de sortir du goulet, d'autant plus que les vents alisés qui soufflent presque toujours dans ces parages, du nord-est au sud-ouest, repoussent vers le port les embarcations qui veulent le quitter. Nous restâmes à louvoyer pendant toute la matinée, renvoyés par le vent d'un promontoire à l'autre. Pour continuer directement notre route, il fallait doubler le rocher de San Medina ou de Farallon Sucio, dressant à l'est sa tour abrupte environnée de noirs récifs. Après nous en être éloignés de près d'un mille, toujours une nouvelle bordée nous ramener près de cette tour formidable dont les écueils apparaissaient et disparaissaient tour à tour comme des monstres marins se jouant au milieu des vagues bondissantes. Une fois, le vent s'engouffra dans les voiles au moment où le capitaine venait de prononcer les mots sacramentels. « Para virar, vaya con Dios !» Et la goélette, se dirigeant rapidement et en droite ligne vers Salmedina, fendit les ondes déjà blanchissantes qui se redressaient à la base du rocher. Le capitaine, le matelot, le mousse et moi-même, nous nous efforcions inutilement, appuyés contre la vergue, de vaincre la résistance de la voile, tandis que Don George, toujours placide et souriant, laissait errer ses regards sur les agrès de sa goélette qui marchait vers une perte inévitable. Un énergique juron du capitaine le fit lever en sursaut. Dès qu'il nous eut aidés de son épaule d'athlète, la vergue céda et le Narcisse, rasant les rochers par une grande courbe, dirigea sa bordée vers la pleine mer. À midi, nous avions enfin doublé le redoutable promontoire et nous suivions à 2 ou 3 milles de distance la côte qui prolonge d'une extrémité à l'autre de l'horizon ces immenses forêts où ne se montre pas une seule clairière. Les montagnes, dont la chaîne uniforme et peu élevée se développe de l'ouest à l'est, semblaient beaucoup plus hautes qu'elles ne le sont en réalité, sans doute à cause du voile de chaude vapeur qui frissonnait sur leurs flancs et en grandissait, outre mesure, les proportions. Nous voyions apparaître puis disparaître, l'une après l'autre, les pointes que ces montagnes projettent dans la mer. Punta Pescador, Punta Escondida, Punta Escribanos, toutes identiquement semblables par leurs forêts touffues et leurs ceintures de mangliers. La mer était calme, la brise enflait à peine les voiles de notre goélette et celle-ci fendait péniblement les flots dont l'écume légère allait se perdre en tourbillonnant de chaque côté du sillage. Nous continuâmes ainsi notre course maritime toute la journée, et la nuit nous surprit avant que nous eussions dépassé le cap San Blas. Le lendemain matin, nous étions au milieu de l'archipel des Muletas, dont les îles, plus nombreuses que les jours de l'année, parsèment la mer sur une grande étendue. Nous en comptâmes plus de 60 dans un horizon extrêmement restreint par la brume, et à mesure que nous avancions, nous en voyions de nouvelles jaillir du sein des eaux tranquilles. Toutes ces îles basses qui semblent reposer sur la surface d'un lac, comme les jardins flottants de Cachemire, sont couverts de cocotiers dont les semences ont été apportées par les vagues depuis que les Espagnols ont introduit cet arbre sur le continent d'Amérique. Quelques îlots sont tellement petits que leurs 5 ou 6 cocotiers aux panaches recourbés les font ressembler à de grands éventails verts déployés au-dessus de l'eau transparente. D'autres, au contraire, occupent une assez grande superficie et les huttes d'Indiens se groupent çà et là à l'ombre de leurs bosquets. Mais toutes sont presque uniformément rondes ou ovales. L'aéronaute, qui le premier contemplera cet archipel du haut de son navire ailé, ne pourra s'empêcher de comparer les Muletas à de gigantesques feuilles de nénuphar étalées sur la surface à peine ridée d'un marécage. Quand notre goélette passait à côté d'un village, un canot creusé dans un tronc d'arbre se détachait de la rive et se dirigeait vers nous portant 3 ou 4 Indiens. Dès que les rameurs étaient arrivés à la portée de la voie, ils élevaient en l'air leurs avirons pour témoigner de leurs intentions pacifiques et nous envoyaient les salutations dans un mauvais dialecte espagnol. Puis, après avoir amarré leur canot au bordage de la goélette, ils sautaient sur le pont, riaient pour nous égayer et nous bien disposer en leur faveur, et nous offrir d'une voix caressante leurs sacs de cacao, leurs bananes ou de charmantes petites perruches vertes nichées dans une calebasse qui se becquetaient et se mordillaient le plus gentiment du monde. En échange, ils acceptaient des pièces de coton, des écheveaux de laine et des monnaies américaines. Ces indigènes, appartenant à la tribu des Indiens de San Blas, sont de petite taille, forts, trapus, gras. Ils ont les joues rebondies, les pommettes saillantes, les cheveux noirs et lustrés, les yeux perçants, souvent entourés de bourrelets de graisse, le teint couleur de brique, mais plus blanc que celui de la plupart des Indiens du continent. Jusqu'à un âge très avancé, ils ont toujours l'air d'enfants espiègles et la joie de vivre brille dans leurs regards. En voyant leurs îles charmantes éparses sur la mer, leurs huttes tapies sous des bouquets de cocotiers, on se demande presque s'il faut désirer que bientôt des Américains ou des Anglais, pionniers du commerce, viennent exploiter ces forêts de palmiers pour en concasser les noix, les réduire en copra, en exprimer l'huile. Note 1. Copra, morceau de noix pilé et débarrassé de leur enveloppe. L'empire de Mammon, déjà si vaste, doit-il s'augmenter de ces îles fortunées afin que de nouvelles marchandises s'amoncellent sur les quais de Liverpool et que les coffres-forts des armateurs de New York s'emplissent encore davantage? Ces peuplades sont heureuses. Le commerce tel qu'il est compris aujourd'hui saura-t-il en échange de leur paix leur donner autre chose qu'une servitude déguisée, la misère et les joies sauvages puisées dans l'eau de vie? Trop souvent déjà, le beau mot de civilisation a servi de prétexte à l'extermination plus ou moins rapide de tribus entières. Attendons pour entraîner celles-ci dans le grand mouvement commercial des peuples que nous puissions leur apporter sur nos bâtiments plus de bonheur, la justice et la vraie liberté. J'aurais bien voulu suivre les Indiens des Muletas et me faire, au moins pour quelques heures, citoyen de leur république. J'aurais voulu interroger les vieillards assis à la porte des cabanes, voir les femmes s'occuper des travaux domestiques, assister de loin aux amusements des enfants qui se roulent tout nus sur le sable de la plage. Mais Don George, toujours occupé de sa pêche, me supplia de laisser continuer sa route à l'embarcation dans l'espoir que nombre de poissons se laisseraient séduire par l'appât bondissant dans le sillage. Il ne me resta donc qu'à contempler tristement ces îles à mesure qu'elles disparaissaient l'une après l'autre. Enfin, nous glissâmes lentement à côté de la dernière. Longtemps, nous vîmes ces palmiers s'élever au-dessus de l'eau, semblables à une volée d'oiseaux gigantesques, puis ils s'évanouirent peu à peu et nous nous trouvâmes en pleine mer des Caraïbes. La traversée de l'archipel des Muletas à Carthagène dura 8 jours, c'est-à-dire que notre goélette, beaucoup moins rapide qu'une tortue de mer, avança d'environ 1 mille par heure. Cependant, nous avions le courant et souvent les brises en notre faveur. Mais le Narcisse était si lourd de forme, si disloqué dans toutes ses membrures, qu'il marchait à peine plus vite qu'une épave poussée par les flots. À ses voyages de retour, il mettait parfois plus de 3 semaines pour atteindre Aspinwall, car il avait alors à vaincre la résistance du remous formé dans le golfe d'Uraba par le grand courant équatorial dont les eaux viennent frapper contre les côtes de l'Amérique centrale et rejaillissent à droite et à gauche en longeant les rivages. Dans toute autre mer exposée à de brusques changements de vent et à de violentes rafales, le Narcisse n'eût pu entreprendre un seul voyage sans courir le risque de sombrer. Heureusement, au milieu du golfe d'Uraba et sur toutes les côtes de la Nouvelle-Grenade, il n'y a jamais de tempête. Les ouragans qui produisent souvent des effets si désastreux dans les petites et les grandes Antilles prennent toujours naissance à l'entrée de la mer des Caraïbes, au-dessus du grand courant équatorial, et développant leur immense tourbillon qui s'élargit sans cesse, vont mourir aux États-Unis ou sur les bancs de Terre-Neuve, après avoir labouré les flots, fracassé les navires, broyé les villages et les forêts. Mais dans leur course terrible, ils n'effleurent jamais les mers heureuses de la République grenadine. Là, toutes les vagues, ébranlées de proche en proche par les tempêtes des autres climats, se déroulent avec la régularité des ondulations que la chute d'une pierre produit dans un lac. Énormes et se prolongeant parallèlement d'un horizon à l'autre, elles sont poussées d'un souffle toujours égal par le vent alisé et soulèvent silencieusement les navires sans se briser en écume. Au fond des longues vallées qui les séparent, des poissons ailés, semblables à des oiseaux dans les sillons d'un champ, bondissent par milliers, traversent d'un seul élan la crête des vagues et vont retomber au-delà dans l'eau transparente. Le septième jour, le Narcisse atteignit l'archipel de San Bernardo, dont les îles, presque toutes basses et boisées comme les muletas, parsèment la mer au nord du golfe de Morrosquillo. La goélette se fraya péniblement une voie à travers ce dédale d'îles qui projettent dans les détroits des bancs de sable dangereux. Et après avoir pendant toute une journée longé la côte de la Nouvelle-Grenade, vint jeter l'ancre dans une petite anse de l'île Barú, non loin de Boca Chica, l'entrée de la rade de Carthagène. Le capitaine ne comptait pas assez sur son habileté pour essayer de guider sa goélette rétive entre les écueils de la passe. Et pour ma part, j'étais enchantée d'attendre jusqu'au lendemain pour bien voir les ruines de cet autre Sébastopol, si formidable au temps de la puissance espagnole. Fin du deuxième chapitre.